Le chien de Jérémie. Histoire que les enfants qui veulent un chien doivent raconter à leurs parents. Mamoune ne voulait pas d'animal à la maison. Comment l'élever, lui donner un ordre quand on est sourde et muette? N'insiste pas, martelait-elle à son fils. C'est non, non et non. Malgré ces noms, qu'elle criait en langage des signes, Jérémie voulait un chien. Il n'était ni sourd ni muet, lui. Il l'élèverait, le chien. Alors, il commanda un chien invisible, une nouvelle race vendue sur Internet. Quelques jours après, arrivait par porteur express un chien invisible, accompagné de sa notice. « Votre chien s'appelle Popeye. Il s'entretient comme un chien ordinaire. Il faut lui donner à boire et à manger, le sortir, le caresser. Son odeur particulière pouvant révéler sa présence, ne pas oublier de le laver chaque semaine. Attention, donnez impérativement un comprimé d'invisibilité au chien toutes les 12 heures si vous désirez qu'il reste invisible. À défaut, le chien se matérialisera dans les 4 heures suivant l'oubli de la prise du comprimé. Mise en service du chien. Soulevez son oreille gauche et tapez le code POP87102. Votre chien se mettra en service et vous serez le seul à le voir. Au début, tout allait pour le mieux. Jérémie n'oubliait jamais le comprimé. À 7 heures, quand il se levait, et le soir à 19 heures, juste avant de passer à table. Et les balades en forêt enchantaient sa mamoune, qui croyait que son fils s'était enfin mis à faire du sport. Le chien avait quand même un inconvénient. Il aboyait. Mais comme mamoune était sourde, il était si intelligent et gentil qu'il devint le meilleur ami de Jérémie en quelques semaines. Ce qui impressionnait Jérémie, c'était quand Popeye essayait d'apprendre le langage des signes. Il se dressait sur ses pattes arrière et faisait de grands mouvements avec les pattes avant. Bien sûr, il ne pouvait pas parler comme Jérémie et Mamoun, car il n'avait ni mains ni doigts. Mais sa gymnastique se transforma très vite en de drôles de danses qui faisaient beaucoup rire son petit maître. Jérémie était transformé par l'arrivée du chien dans sa vie. Il avait retrouvé son sourire et sa bonne humeur, disparus depuis la mort tragique de son papa dans un accident de voiture. Désormais, Jérémie dansait, chantait, sortait. Mamoun en était ravi. Mais le secret était lourd à garder. Jérémie décida de se confier à son ami Nicolas. Les deux garçons ne se connaissaient pas depuis longtemps, mais ils étaient rapidement devenus complices. Nicolas garderait le secret. « Je dirai à Mamoun que tu viens dormir à la maison ce soir et je te confierai mon secret, » dit-il à Nicolas. À 19 h 30, le repas avalé en vitesse, les deux copains se retrouvèrent dans la chambre de Jérémie. « Regarde, » dit Jérémie en désignant le panier où il avait placé une couverture bien chaude. Il n'avait pas donné le comprimé à Popeye. Nicolas se pencha sur le panier et vit petit à petit apparaître le chien. D'abord le museau, puis la tête, le cou. Ben ça alors ! Ben ça alors ! Nicolas était si surpris qu'il ne trouvait pas d'autres mots. Ben ça alors ! Répétait-il encore. Et pendant toute la soirée, Jérémie raconta à Nicolas sa nouvelle vie avec son chien. Vers 23 heures, Popeye était complètement visible. Jérémie mit de la musique et Popeye se dressa sur ses pattes arrière pour danser. Pardon, pour parler le langage des signes. À minuit, les deux enfants riaient encore de bon cœur. Jérémie mit sur la tête de Popeye le petit chapeau multicolore qu'il lui avait confectionné en secret. Les rires des garçons redoublèrent. C'est en cet instant que Mamoun entra dans la chambre. Elle s'était levée pour boire un verre d'eau et avait vu le ray de lumière sous la porte. Personne ne pourrait décrire la stupeur qui se peignit sur son visage. Pris de panique, Jérémie jeta une couverture sur Popeye pour le cacher. Mais Popeye en ressortit aussitôt. Nicolas, qui ne connaissait encore du langage des signes que quelques mots de politesse pour s'adresser à Mamoun, assista alors à un vrai ballet de bras et de mains. Jérémie et Mamoun se disputaient très fort. Et pendant la dispute, Popeye faisait de son mieux sur ses pattes arrière pour défendre son maître. Soudain, Mamoun posa les yeux sur lui. Elle vit alors le chien le plus drôle du monde, avec un chapeau tout biscornu posé de travers sur la tête. Elle se mit à rire. Jérémie put enfin expliquer tranquillement à sa Mamoun combien le chien lui était cher, comment il avait appris à bien s'en occuper. Mamoun comprit et pardonna son fils. Popeye n'eut plus jamais de comprimés et devint le chien le plus célèbre du quartier. Sabine Huchon, sur une idée de Pascal Perra, lue par Sabine pour Audiocité. Tout droit réservé à l'auteur.